Hallo zusammen. Diese Tage lag in unserem Briefkasten ein. Bonjour à tous. Ces jours-ci, il y avait dans notre boîte aux lettres un beau et grand dépliant avec une très très grosse publicité pour se faire vacciner, car c'est la semaine nationale de la vaccination en Suisse. Mais il ne s'agit pas seulement de la Suisse. Bon, ne partez pas maintenant, parce que ça concerne tout le monde. Je pense qu'il se passe la même chose dans tous les cantons et dans tous les pays. Et pour que je n'aie pas à garder ça pour moi, j'ai examiné de près ce service de santé qui a écrit cette lettre et je voudrais vous faire participer à cette recherche. J'ai regardé de plus près ce qu'ils écrivent et j'ai téléchargé les émissions de CLA TV. J'en ai fait un montage et je veux à chaque fois vous montrer la voix et la contre-voix. On va commencer tout de suite. Voilà, donc l'idée est que tous les Suisses devraient se faire vacciner et l'introduction commence déjà comme ça. Les vaccins sont sûrs et ont une grande efficacité. Bon, alors nous allons voir comment ils montrent leur efficacité. Donc, il n'y a pas d'effet secondaire des vaccins qui se manifesterait seulement après des années. Commençons ici. Comment savent-ils qu'il n'y a pas d'effet secondaire des vaccins qui ne se manifestent qu'après des années? Parce que toutes les expériences sur les animaux ont jusqu'à présent échoué lamentablement et qu'elles ont toutes dû être arrêtées parce que beaucoup d'animaux en sont morts. Voilà, et maintenant c'est notre tour. Quelques petits extraits. Les vaccins COVID-19 ne sont pas des vaccins classiques, mais des substances génétiques expérimentales. Les effets secondaires observés jusqu'à présent sont dramatiques et extrêmement préoccupants. Les effets à long terme ne sont tout simplement pas connus. J'ai fait confirmer cela par un grand nombre de médecins spécialistes. Il a dit que ces vaccinations étaient extrêmement dangereuses. Il a dit « S'il te plaît, John, n'y touche pas ». Et il m'a expliqué que les procédures de test utilisaient jusqu'à 200 singes rhésus par semaine. Il s'agissait d'un test car ils mouraient tous. Donc les tests sur les animaux ont été arrêtés. Et c'est le même produit qu'ils injectent dans vos veines dans ces centres de vaccination. Ok, je pense que ça, nous l'avons tous compris. Plus loin suit une phrase insensée. Jamais auparavant, il n'y a eu une base de données aussi large et fiable que pour les vaccins COVID-19. Ok, examinons cela aussi d'un peu plus près. Cette vaccination relève d'un tribunal. Elle n'a pas été testée de manière adéquate. C'est pourquoi nous devons être très prudents, car ce vaccin n'est pas sûr, compte tenu des données dont nous disposons jusqu'à présent, et ça, c'est important. Nous sautons les tests de sécurité, nous sautons les tests sur les animaux, et les gens doivent savoir que ce n'est pas un vaccin sûr. Ok, c'est ce qu'un médecin nous dit. Mais cela va plus loin. La vaccination par le COVID-19 est très efficace pour prévenir la progression de la maladie grave et le décès. Ok, qu'est-ce que les chiffres flagrants nous disent ici? L'EMA a officiellement signalé 272 644 effets indésirables et 5 993 décès associés aux vaccinations contre le COVID-19. Le 29 mars 2021, les centres américains de contrôle des maladies ont signalé 2 509 décès temporellement liés aux vaccinations contre le COVID-19. Cela représente une augmentation de plus de 4000% par rapport à la moyenne des 11 dernières années. Les réactions graves sont extrêmement rares. La vaccination est sûre. Le docteur Michael Yeadon est ancien vice-président du fabricant de vaccins Pfizer, confirme que cela ne peut pas être vrai du tout. Les vaccins ne sont pas sûrs. Le système américain de notification VAERS a enregistré environ 13 000 décès dans les jours ou les semaines qui suivent la vaccination. Puis, il y a environ 3 semaines, le taux de mortalité a de nouveau augmenté et je vois maintenant des personnes de tous âges toutes vaccinées. Il s'agit presque toujours de crises cardiaques, de problèmes cardiaques subis non détectés qui ont conduit à une crise cardiaque, de thromboses, d'accidents vasculaires cérébraux et de défaillances d'organes multiples. Ce sont les 4 groupes représentatifs que je vois ou les 4 types de morts auxquels j'ai affaire. Il suffit de regarder les dommages causés par les vaccins selon la base de données de l'OMA. À la date du 19 octobre 2021, le nombre de dommages causés par les vaccins contenant les substances approuvées s'élève à 1 069 672 dans l'Union européenne. Si on considère que seuls 1 à 10% des cas réels sont signalés, il faut multiplier ces chiffres par 10. On arrive alors à une estimation de 11 millions de cas de dommages vaccinaux, soit environ 160 000 décès. Je trouve aussi que la vaccination est vraiment très sûre, comme ils l'écrivent ici. Ils poursuivent avec la déclaration suivante. Les évolutions et les effets graves du Covid sont beaucoup plus fréquents que les effets secondaires graves de la vaccination. Qu'entendons-nous ici? La jeune fille était l'une des participantes volontaires à l'étude Pfizer, menée auprès de jeunes de 12 à 15 ans. Depuis lors, elle est en fauteuil roulant en raison de graves problèmes physiques et doit être nourrie par sonde gastrique. Avant que Maddy ne reçoive sa dernière dose de vaccin, c'était une fillette de 12 ans, en bonne santé, qui n'avait que des bonnes notes et beaucoup d'amis. J'ai reçu le vaccin Covid Moderna le 4 janvier. Le jeudi matin, j'ai eu des crises et des convulsions dans tout le corps. Mais une journée typique pour moi en ce moment, voilà à quoi ça ressemble. Je vous remercie pour vos prières et rien ne peut me convaincre que ce n'est pas dû au vaccin Moderna. En janvier 2021, les premiers cas officiels de thrombose sont apparus après des vaccinations contre le Covid avec le vaccin vectoriel d'AstraZeneca. 6113 décès après des injections de Covid-19, dont 576 décès d'enfants à naître. CDC. 6113 décès après des injections de Covid-19, dont 576 décès d'enfants à naître. Il y a quelques semaines, j'étais chez mon coiffeur habituel et ils avaient tous l'air très moroses et abattus. J'ai dit, hé les gars, qu'est-ce qui se passe? L'un des coiffeurs, âgé de 23 ans, venait de mourir une heure après sa deuxième injection. Une crise cardiaque à 23 ans. J'ai eu un homme dont le père avait reçu une injection et avait été paralysé presque immédiatement. Il a alors été considéré à risque, si bien que 3 semaines plus tard, on lui a administré la deuxième dose et le lendemain, il a été trouvé mort chez lui. J'ai connu un monsieur pour qui j'ai dirigé des funérailles, dont la mère est devenue aveugle presque immédiatement. Vous avez entendu ça? Comment est-ce possible que de tels mensonges soient imprimés dans un document comme celui-ci et que des peuples entiers soient arnaqués de la sorte? Mais continuons à les écouter. Ils poursuivent en disant « Le suivi des données de vaccination de milliards de personnes vaccinées confirme que les effets secondaires graves de la vaccination sont très rares. Voyons, nous avons déjà entendu tellement de choses. Je dois vous montrer quelques déclarations supplémentaires. » Selon la banque de données EDRA Vigilance, 20 595 décès et 1 960 607 personnes souffrant d'effets indésirables ont été signalés au 31 juillet 2021 suite à des injections de 4 produits génétiques expérimentaux contre le COVID-19. 438 440 cas avec des effets secondaires graves liés au vaccin ont été enregistrés sur le portail VAERS. Entre autres, 9 048 décès, 26 818 hospitalisations, 2 486 paralysies faciales, 2 152 chocs anaphylactiques, 985 fausses couches, 3 324 crises cardiaques, et 7 463 handicaps y ont été enregistrés depuis le début de la vaccination. OK. Ok, c'est la fake news, effet secondaire très rare des vaccins. Nous poursuivons avec le sujet de l'ARN messager. Ils écrivent en fait, la vaccination par ARN messager ne modifie pas notre ADN. Pourquoi est-ce qu'ils le formulent comme ça? Sans doute qu'ils savent de quoi ils parlent. Écoutons les médecins les plus renommés. En tant que médecin et politicien de la santé, il dit... Cette vaccination modifie génétiquement la personne qui est vaccinée. Les plantes et les animaux génétiquement modifiés nous dérangent. On veut maintenant nous modifier génétiquement par ces vaccinations. De plus, ce vaccin est absolument nouveau pour l'humanité. Il n'a jamais été révélé. Il joue avec l'ADN, l'ARN, le génome, les gènes. Ce sont des termes similaires qui désignent une même chose. Le génome est ce qui nous rend humains. C'est notre schéma d'organisation, c'est ce qui nous fait grandir, c'est ce qui nous fait nous reproduire, ce qui nous fait grandir, ce qui nous guérit, c'est tout ce dont le corps a besoin pour savoir ce qu'il doit faire. S'il manipule le tout d'une quelconque façon, un changement aussi minuscule soit-il peut avoir un effet désastreux. Il peut entraîner le cancer, la mutagénèse, les mutagénèses et les maladies auto-immunes. Il est donc possible que les effets soient tardifs, nous n'avons pas de recul. Okay, und was ist mit der Angst, dass man durch die Impfung die Fruchtbarkeit verliert? Et qu'en est-il de la peur de devenir stérile par la vaccination? Ils ont également bien réfléchi et peuvent gentiment rassurer tout le monde en disant que ça n'a aucun effet. La fertilité n'est pas affectée par la vaccination, ni chez les femmes, ni chez les hommes. Il n'existe aucun lien entre la vaccination et l'infertilité. La vaccination est sûre. Oui, nous en sommes heureux. Mais regardons ce que d'autres personnes ont à nous dire à ce sujet. Oui, à propos de la fertilité. J'ai vu il y a des mois une étude de l'université à Oklahoma. Je pense que c'était ça, qui disait que les hommes devraient faire congeler leur sperme avant de se faire vacciner. Oui, vous avez raison. Pfizer dit que vous n'êtes pas censé avoir des relations sexuelles non protégées pendant 28 jours après vos injections. Que se passe-t-il le 29e jour? Ils disent qu'il existe un risque de malformation congénitale. Ils l'admettent déjà? Cela signifie qu'il se passe quelque chose avec ces vaccins. Mais comment savez-vous que le 28e jour, vous vous abstenez et ensuite pour le 29e jour, c'est OK? On ne sait pas, c'est incroyable. Même maintenant, en parallèle, il n'y avait pas d'études sur l'effet sur la fertilité au moment de l'approbation. Aucun des vaccins n'a donc été testé pour la fertilité, ni chez les femmes, ni chez les hommes. Ce n'est que récemment que les deux premières études ont été lancées, l'une chez les hommes, l'autre chez les femmes, pour étudier les effets de ces vaccins sur la fertilité. Oh mon Dieu, certains des risques connus sont assez dissuasifs. Choc anaphylactique, réponse immunitaire par anticorps favorisant l'infection, risque accru de maladies auto-immunes, infertilité, accident vasculaire cérébral, crise cardiaque, troubles de la coagulation, et cela ne concerne que les hommes. Qu'en est-il des femmes ? Les femmes en âge de procréer courent le risque d'une infertilité durable, voire à vie. D'un risque de fausse couche si elles sont enceintes, de fausse couche possible en cas de nouvelle grossesse, de lupus, de polyarthrite rhumatoïde, de syndrome de Sjögren. Ce sont des problèmes médicaux vraiment graves, chroniques, déstabilisants, potentiellement mortels, et il n'existe aucune solution ni aucun traitement. Pour finir, je ne peux que dire avec ce médecin, « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici ?» Réveillons donc toutes les personnes et réalisons que ce n'est pas ça notre avenir. C'est juste profondément effrayant. J'aimerais que ça s'arrête, que la lumière s'éteigne et que tous ces fraudeurs se distinguent, qu'ils s'enfuient et disent « Comment avons-nous pu diffuser de telles conneries ?» Participez, diffusez ces émissions, toutes les émissions de CLA TV. Ce sont des œuvres incroyables, incroyables. Ce sont des heures de travail, de recherche. Et ce n'est pas publié dans les rues. On doit rassembler tous ces faits quelque part. et le prouver avec des milliers de sources. Vous pouvez consulter toutes ces émissions. Je vous ai tout noté, quelles émissions sont à étudier, et les génériques énumèrent toujours toutes les sources pendant plusieurs minutes. Regardez tout cela. Ne le prenez pas à la légère en vous disant « Oh bon, je retrouverai ma liberté si je me fais vacciner ». La liberté est très différente de ce que nous avons connu jusqu'à présent. Tant de personnes sont déjà mortes pour nous, ont donné leur vie, sont devenues infirmes, paralysées, aveugles. Nous ne voulons pas tomber, nous aussi, dans ce piège. Prévenons toutes les personnes qui restent à prévenir, à réveiller, jusqu'à ce que cette folie s'écroule et que cette hantise prenne définitivement fin pour de bon. Je vous remercie et prenez bien soin de vous. À bientôt. Danke euch und macht's gut, bis zum nächsten Mal.